C'était les combines en fin de semaine pour les joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage. Il y avait Samuel Durant de Robertval qui participait. Ça a très bien été. Je suis actuellement sur le site de Sportsnet où on donne les résultats. Et il a même gagné une épreuve. On lui parle. Salut Samuel! Samuel, tu as même gagné une épreuve, le 70-80 body weight, où tu as terminé avec un pointage de 15. C'est quoi ça, le 70-80% de body weight? Dans le fond, ils prennent notre poids au début. OK. Puis notre grandeur, puis dans le fond, ils suivent à ça pour dans le fond, mettre le nombre de poids qu'il faut que tu lèves, là, c'est sur le bench. OK. C'est-tu très difficile comme épreuve? C'est-tu la plus dure des épreuves? Physiquement, là? Non, je dirais pas que c'est la plus dure physiquement, là, mais je pense que ça peut prouver genre si t'es fort du haut du corps. OK. Et aussi, ça a bien figuré également au Fatigue Index, où tu as terminé au 8e rang avec un pointage de 60 et je l'ai ici, là. Fatigue Index, tu as terminé avec un pointage de 47,8. Là-dessus aussi. Fatigue Index, ça ressemble à de la bicyclette stationnaire. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, on avait deux tests là-dessus. Fait que je pense que ça vient d'être aussi. OK. Dans l'ensemble, Samuel, est-ce que tu peux dire que ta fin de semaine a été très concluante? Écoute, je pense que oui. Je pense que c'est une semaine, puis une fin de semaine qui est quand même assez stressante. Là. Je veux pas, tu sais. T'es entouré avec plein d'équipes de la nationale, tes rencontres, fait que c'est comme moi, j'ai eu 19 rencontres d'abord avec des équipes, fait que pendant toute la semaine, on rencontrait des équipes, puis c'était quand même stressant, puis les derniers jours, on faisait les deux, trois derniers jours, là, c'était vraiment juste concentré sur des tests. OK. Mais est-ce que c'était plus dur que tu pensais, parce que tu en as déjà fait des combines, pour les gens qui ne savent pas, c'est les tests d'habilité, en fait, là. Est-ce que c'est plus dur que ceux que tu as fait dans la Ligue de hockey junior du Québec, si tu te rappelles de ceux que tu as fait lorsque tu as été repêché par les Cataractes? Ben, c'est sûr que oui, là, ouais. Moi, je pense que de plus en plus de monde, de plus en plus que les tests sont difficiles, là, mais je pense que ça se ressemble un petit peu, là, mais tu sais, pas les rencontres dans la GMQ, c'était tout en français, puis tout, fait que tu sais, il y avait moins de stress, là, puis tout, là, fait que. Là-bas à Buffalo, là, c'était vraiment juste en anglais avec les équipes. Puis je me débrouille en anglais, je suis rendu quand même bon. Fait que ça a quand même bien été mes rencontres, mais je veux pas, c'est quand même plus stressant. Là, les rencontres en anglais, puis les rencontres avec des équipes de l'international, je veux pas, c'est mon rêve là, de jouer dans l'international. OK. C'est-tu un peu les mêmes? Parce que moi, je me rappelle, j'avais parlé avec Philippe Paradis à l'époque, qui a été repêché par les Hurricanes de Caroline, et les questions qu'on te pose, c'est, des fois, ça n'a même pas rapport avec le hockey. Ils veulent savoir quel genre de personne que tu es dans la vie, et ainsi de suite. C'est un peu ça qu'on te pose comme question? Ben, je te dirais que oui. Mettons, 18 équipes sur 19 me posaient, mettons, quel type de personne que je suis, qu'est-ce que mes parents font dans la vie, tu sais, vraiment me connaître, là, en dehors de la glace, là, puis après, les questions, là, c'est vraiment, qu'est-ce que je pourrais amener à eux, puis quoi qu'ils devraient me repêcher, puis des affaires comme ça. OK. Ta petite stature, tu en as parlé dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Tu es à 5 et 11, 122 livres. Dans l'article de Kevin Dubé, tu dis que tu n'es pas du tout effrayé par ça, puis tu vas jouer dans la Ligue nationale. Certainement que dans les questions qu'on t'a posées, il y a ta question de ça. C'est sûr que oui. Là, écoute, il y a beaucoup de questions qui m'ont demandé comment j'allais faire pour jouer national un jour avec ma grandeur et tout ça, mais. Je pense pas qu'il y ait de trucs, là. Écoute, je pense que c'est assez intelligent pour jouer avec des personnes qui sont plus grandes que moi, puis moi, je joue contre des petits et 5 ou contre des 5 et 6, ça fait un jour pour moi. Fait que c'est sûr qu'il faut que je m'ajuste quand je vois un petit et 3 devant moi. Là. Écoute, je vais pas le plaquer, puis je pense que je vais contenir, puis je vais y avoir un coin avec, mais c'est à moi de voir ça. Je pense que je suis un joueur intelligent, puis je suis capable de jouer à la game. Là. Fait que. L'équipe qui va me faire confiance, je pense qu'il aura besoin de moi, puis c'est moi, je vais avoir ma chance pour cette équipe-là que je vais être capable de jouer. OK. Est-ce que tu as rencontré le Canadien? Ouais. Oui, on dit parce que moi, j'ai Phil Desgagnés me disait cette semaine, avant de quitter pour les vacances, que Marc Bergevin était tombé en amour avec toi. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as senti vraiment un intérêt marqué du Canadien, peut-être plus que les autres formations? Je pense pas que j'ai senti un intérêt plus. Là, je pense que toute l'équipe, toutes les équipes, là, ils montrent un petit peu d'intérêt, mais ouais. Ils accordent quand même. Là, mais je pense que le Canadien, ma rencontre, ça a très bien été, comme avec toutes les autres équipes aussi. Mais je pense qu'on le voit tous depuis un bout que c'est comme tu dis, Marc Bergevin et Trevor Timmins, je pense qu'ils m'aiment bien gros. Là, parce qu'on voit beaucoup d'articles qui peuvent le dire. Je sais pas si sont vrais ou quand même. Ouais. Mais, je dirais que oui, écoute, on a beaucoup de. OK. Sam, les jours approchent, là, c'est le 24 juin. Normalement, ce qu'on dit, tu devrais sortir vers la deuxième ronde. Donc, tu devrais normalement sortir le 25 juin. Est-ce que tu commences à compter les dodos? C'est sûr que oui. Pendant la saison, on s'est posé des questions là-dessus sur le repêchage, puis on raconte toujours qu'on pense à la saison, on va passer les séries, mais c'est, là, tout ça, c'est fini, fait qu'on peut mettre un focus là-dessus, fait que c'est sûr, ça va être un beau moment avec ma famille, puis tout le monde qui m'encourage, c'est mon agent, ma famille, la ville de Robertval, tout le monde là, qui était là pour moi. OK. Hey, je veux te parler, parce que ça fait un petit bout que je ne t'ai pas parlé. Je veux te parler de tes honneurs que tu as eu. Meilleur défenseur de la GMQ, meilleur gentilhomme au Canada. C'est des belles honneurs quand même. Oui, oui. Puis écoute, je pense que ça se prend bien. Je suis vraiment content d'avoir gagné tous ces honneurs-là. C'est vraiment le fun d'avoir gagné le meilleur défenseur au dans la LHMQ, puis d'être nominé dans les trois meilleurs au Canada. Fait que c'est vraiment plaisant pour moi, puis d'avoir remporté le trophée du meilleur gentilhomme aussi. Je pense que c'est un trophée que ça se prend bien. Ça montre aux équipes que je suis un défenseur discipliné, puis que je pense que son équipe a de bras sur la glace. Fait que j'ai montré ça aussi qu'il faudrait que je fasse sur la glace. Hey, j'en viens au combine. J'ai une question que je suis en train d'oublier. Est-ce que à la suite des combines, parce que moi je suis plus habitué aux combines, la Ligue nationale de football, il y a des millions qui se sont perdus parce qu'il y avait des joueurs qui se sont pas qui avaient échoué leur test d'habileté. Après tes tests d'habileté, est-ce que tu penses que tu as gagné des échelons? Est-ce que tu as gagné des bonus en fait d'argent? Ou encore t'as reculé ou tout simplement ça fera pas de différence selon toi là? Je pense pas que ça va faire la différence. Écoute, on sait tellement pas ce qui va arriver la saison au repêchage. C'est sûr que les tests, ils regardent un petit peu les recruteurs, mais je pense qu'ils ont déjà leur choix de fait. Là, moi, je pense que c'est déjà fait. Puis, l'équipe choisira peut-être en fin de première ronde, ou peut-être en début de deuxième ou en deuxième. Là. Moi, ce que je veux, c'est rien qu'être repêché, puis avoir ma chance, comme j'ai dit, mais. C'est sûr que ça serait le fun là, d'être repêché le plus tôt possible, mais c'est moi, comme je te dis, là, je veux être repêché. OK. Puis jouer un jour. Puis le reste, ça t'importe pas, pour le moment. Non, le reste, ça m'importe pas pour le moment. Mais... OK. Ben Samuel, gros merci. On s'en parle immédiatement après le repêchage pour avoir tes commentaires. Bon, Samuel merci. Girard, des Cataractes de Shawinigan.